France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au début des années 90, on a pu lire « La vie des mariniers » de Josette Collin, publié chez Plomb. Tout sur la vie de bateau, en opposition avec la vie d'atterre. Les bateaux, jadis traînés par les chevaux, le halage, la motorisation, les éclusiers, on pense à la chanson de Brel, « Les mariniers me voient vieillir, je vois vieillir les mariniers ». Ce livre fut inspiré par une série de quatre nuits magnétiques, proposée en 1988 par la même Josette Collin dans une réalisation de Mehdi Elhadj. Une série qui obtint le prix Paul Gilson 1988. Voici le premier volet de cette histoire d'eau, de travail et de liberté, présentée par Laure Adler le 19 janvier 1988 sur France Culture. L'eau semblait immobile. De temps en temps, pourtant, un insecte la faisait un peu trembler. Le long des berges, des rangées de peupliers. Au-delà, les prés, d'un vert si tendre, les vaches, blanches et noires. C'est la fin de l'après-midi. Un léger vent vient de se lever. Seul le froissement des feuilles vient troubler le silence. La quiétude est totale. J'écoute l'eau qui clapote contre la carène. De chaque côté, les arbres fuient derrière nous, éclairés par les rayons obliques du soleil couchant. Enfin la lenteur, enfin la respiration, enfin la douceur du rythme. Paix d'aube du monde, troublée seulement par la succession des écluses. Le canal, d'un calme de miroir, reflète avec une exactitude scrupuleuse les hauts fûts des arbres du halage. La route liquide, saupoudrée de lentilles d'eau, file en droite ligne. Tout se succède, s'enchaîne, se mêle, sans précipitation, sans heurts. Nuit magnétique, toute cette semaine, les mariniers. Josette Collin, Mehdi Elhadj, Michel Kreiss, au fil des canaux. Beaucoup d'images, Josette encombre cette profession. Du café de la marine en passant par le halage à col d'homme, l'univers de celles et de ceux qui vivent sur les canaux est assez peu connu. Effectivement, il y a beaucoup de nostalgie, mais je pense que c'est pas le ton de la nostalgie que vous allez utiliser tout au long de cette semaine, puisque vous avez eu aussi le souci de restituer ce que fut et ce qu'est aujourd'hui cette profession qui est en péril. Alors je rappelle qu'il y a 8000 kilomètres de canaux en France et que le réseau français reste l'un des plus vastes d'Europe, l'un des plus vastes mais aussi l'un des plus divers puisqu'il est omniprésent dans le nord de la France, qu'il se réduit dans le sud-ouest et en Bretagne et qu'il se ramifie dans le centre et dans l'est. Alors j'imagine que c'est un voyage géographique que vous allez nous convier, mais c'est un voyage qui n'est pas un voyage de touristes car vous êtes réellement monté à bord. Oui, parce que nous sommes très curieux. Nous avons donc réussi à monter à bord sans tomber à l'eau. Et nous avons simplement tendu l'oreille pour vous livrer ce soir les sons de la vie fluviale et la parole des mariniers. Demain, nous nous attarderons davantage sur leur mode de vie actuel. Nous découvrirons leur rythme, leur langue. Dans la troisième, c'est plutôt le côté industriel. Oui, nous avons quitté la péniche de 250 tonnes qui nous avait accueillis sur Lyon pour embarquer cette fois-ci sur un convoi de 15 000 tonnes qui navigue sur le Rhin. Enfin, dans la quatrième émission, il s'agira plutôt d'un chassé-croisé entre les mariniers qui débarquent, plutôt que prévu la plupart du temps, et ceux d'Atterre qui élisent domicile, soit provisoirement, soit définitivement sur les fleuves. Ça sera votre épilogue. Mais avant de parler de l'épilogue, les mariniers, toute cette semaine, nuit magnétique, première émission ce soir, l'âge d'or de la batellerie. L'âge d'or de la batellerie avec pour guide Madame Grimaud qui a navigué seule pendant 24 ans sur son bateau, le Saint-Louis. À 70 ans et demi, j'ai quand même demandé ma retraite. J'ai débarqué, mais ça m'a fait mal au cœur. Et encore, j'ai celui-là à m'occuper. Le temps passe quand même plus vite, hein. Mais j'ai regretté le bateau, hein. Mon métier, c'était tout, moi. C'était le bon Dieu, mon métier. La vigne changeait des voisins comme ça, vous savez. On n'a jamais le même voisin en route, hein. Puis on est tranquille, on travaille son boulot, on travaille comme on dit chez nous, on travaille comme des nègres, et on est tranquille. Et on n'est jamais fatigué. Tandis que quand on dit comme ça, on dit, oh ben mince, aujourd'hui on en a marre, et puis on fait rien. Moi j'ai été mal pris, hein. Mal pris, hein. Ma présence, ça s'atténue un petit peu depuis, hein. Depuis 84, ça fait quand même 3 ans, hein. Ben, j'y pense encore. C'est de naviguer qui me manquait le plus. Puis tous les copains que j'avais et tout ça. Ouais. Eh ben, vous savez, ça manque, hein, ça. Il y a des fois, quand on y pense bien, ça donne le cafard, quand même. C'est pas la même vie, la vie de la terre et la vie de bateau. C'est pas du tout... Ça change, hein. C'est pas du tout la même vie du tout, hein. Alors ça, c'est mon bateau qui a envidé en Hollande. Vous voyez comment on était bien. Ça, c'est sur le canal Juliana. Vous voyez les autres bateaux devant. C'était pratique à naviguer. Mmh. Ça, c'est sur l'Oise. Mmh. Monté sur l'Oise. Alors voilà, les grèves. Tout ça, c'est la grève. Il y en a du bateau, hein. Voilà. Vous voyez, ça c'est une écluse de la Belgique qu'on pensait, qu'elle était le barrage était supprimé. Mmh. Alors vous voyez le rabais qu'il y a. Ouais. Ça c'est sur la Meuse. Mmh. C'est ma fille, ça, oui. Avec son chien. Ça c'est mes chiens dans ma cabine. Ah oui. Enfin, c'était bien. Oui. Moi j'avais, quand j'étais jeune, j'avais des pigeons. J'élevais des pigeons au bateau. J'adorais ça. Pas des pigeons voyageurs ? J'étais des pigeons voyageurs, si. Mais ils étaient enfermés parce que, comme le bateau voyage toujours, je risquais de les perdre. Mais il y en a qui ont des pigeons et qui les laissent en liberté. Pas beaucoup, hein, un ou deux. Et ils reviennent toujours au bateau. Ils reconnaissent leur bateau, sans doute. Ah ben, mes premiers souvenirs, ça vient de 1920. Hein. On avait les bêtes qui tiraient le bateau. On arrivait dans un endroit où qu'on vidait, où qu'on déchargeait les bateaux. Et puis après, on attendait encore un chargement pour repartir avec les bêtes. Toujours avec les chevaux, hein. Ah, ça, c'était amusant, ça. Ça, c'est une belle vie, hein. Ça, vraiment, vous savez, on a des bons souvenirs de là-dessus, hein. Vous voyez ici, là. Ici, c'est l'écurie pour mettre les bêtes. Et puis ça, c'est leur foin. Oh, ça fait des beaux souvenirs. Hein. On faisait pas beaucoup de kilomètres par jour. Hein. Sur ce canal-ci, là, c'est le canal de la Marne à la Saône. Quand on avait fait 18-20 kilomètres, on avait bien marché dans la journée. Parce que le canal était très, très lourd. Hein. Et les bêtes, vous savez, n'en avaient marre. Hein. Fallait la traîner, les 270 tonnes. Hein. Une seule personne à bord du bateau, puis une seule personne aux bêtes, pour conduire les bêtes, pour pas qu'il arrive des accidents, quoi. On appelait ça le chartier. Et puis dans les ports, fallait s'en occuper, hein. Fallait quand même les donner à manger, fallait quand même les, comme on dit, les enlever toute la saleté, et puis leur mettre de la litière propre et tout. Il y avait de l'occupation, tout ça. Nous, on s'occupait de tout quand on était gamin. On était aux bêtes, on était au gouvernail, on était un petit peu partout. Enfin, tout le monde s'occupait un petit peu de la navigation. Bassou de Gravière, Bassou. Je voudrais bien pouvoir la voir, savoir où il en est. Bassou de Gravière, Bassou. La Gravière. Ah, ben voilà. Oui, Chevire de Gravière. Oui, bonjour Gilles, je rentre de l'église de Bastou. Ok, bien reçu, merci. Oui, bon, bah alors je rebascule pour une pénichette montante et je te prends après. Hein. D'accord. Entendu. J'ai bien compris, il est rentré dans l'écluse précédente. Il rentre dans l'écluse, oui. Oui, on a fait. Style commercial. Douai. 1er avril 1925. Monsieur, je compte arriver à Mortagne samedi soir avec un chargement de 260 tonnes de charbon en destination de Montigny. Je voudrais bien, si vous êtes libre, que vous me pilotiez jusqu'à Condé et que vous vous occupiez de me procurer un remorqueur et, si possible, des chevaux de Condé à Mons. Je vous remercie d'avance et vous envoie mes salutations. Dans les canaux du Nord, les mariniers avaient très peu leurs chevaux à bord des péniches. C'était des chevaux de louage. C'était des sociétés d'État même. Le Panama, qu'ils appelaient ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils appelaient ça le Panama. Et il y avait des chevaux de pauvres haridelles, des charretiers qui ne valaient pas mieux que les chevaux, des pauvres bougres. C'est le plus triste métier du monde, c'était charretier de bateau. Et il y avait souvent des embouteillages, il y avait des relais, il y avait des attentes d'une journée d'un côté, trois quarts de jour de l'autre. Mais dans le centre, en principe, ils avaient une écurie à bord du bateau, c'est-à-dire une sorte de cabine qui était spécialement installée pour les chevaux. Alors le gars a travaillé, il arrêtait à l'heure qu'il voulait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'heure syndicale pour les écluses. Et puis, le soir, ils embarquaient leurs chevaux. Et à midi, ils arrêtaient pour faire manger les chevaux parce qu'ils ne pouvaient pas tirer le bateau pendant 24 heures quand même. Oui. Et ils vivaient à bord, et le cheval vivait à bord. Souvent, le marinier était plus mal logé que le cheval, d'ailleurs. Mais quand ces bateaux-là, comme ceux qui venaient du centre, qui venaient avec du charbon de Monceau-les-Mines et qui venaient à Paris, il se passait une chose, c'est que le cheval était resté enfermé dans cette écurie, il ne pouvait pas débarquer. Alors il tapait des sabots parce qu'il avait les pattes qui s'ankylosaient, il était très malheureux. Alors les gens qui n'avaient pas de chevaux n'aimaient pas se mettre à côté d'une péniche avec une écurie parce que... Alors dans le Nord, comme ils étaient toujours en querelle avec ceux du centre et les bateaux qu'ils avaient leur écurie, ils les appelaient les boîtes à fumier. Et les autres avaient trouvé un autre nom pour eux, c'était la querelle toujours. Et je vous dirais que mon grand-père paternel, il avait une jument à bord qui avait eu un petit poulain. Et tout au long de la journée, la petite pouliche suivait sa mère le long du halage. Et aux écluses, tous les éclusiers à l'époque, ils avaient en principe des fleurs sur les fenêtres. Et elle allait décrocher manger les fleurs, faisait tomber les pots de fleurs. Alors c'était la bagarre. Et des fois, mon grand-père, il en a payé des pots de fleurs. Un cheval, ça tire bien. Hein. Mais nous, on en avait tout. On avait la courbe, quoi, qu'on appelait. Il y avait les deux chevaux qui étaient l'un contre l'autre. Alors là, ils tiraient bien. Là, puis nous, on avait des bêtes qui étaient vraiment merveilleuses. Hein. Ils comprenaient à la parole et tout. Hein. Oh oui, ça, c'était vraiment une bonne époque. Puis moi, j'aime bien les bêtes, alors vous savez. Et les bêtes, c'est bien quand on aime les bêtes. Hein. La bête le sait. Hein. Elle ne vous fera pas de mal du tout. Hein. Ils s'amenaient avec leur tête comme ça. Ils venaient nous frotter les joues. Hein. Comme toute bête, quoi. Hein. Vous les gardiez combien de temps? Oh, on en a gardé un. Mes parents, par exemple. Plus de 10 ans, une bête. Hein. Oui. Il avait gagné sa croûte, le pauvre bête. Et pour les embarquer dans les écuries, comme ça, comme on avait sur le bateau, hein. Il n'y avait pas besoin de le conduire. Et le soir, on le dégarnissait et il s'en allait tout seul à sa place. Sans rien dire, sans rien. Alors, pour descendre dans l'écurie, il y avait aussi des planches comme ça. On appelait ça une descente d'écurie. Alors avec des taquets, les bêtes, ils mettaient bien leurs pieds vers les taquets et ça descendait tout seul. Et pour monter, c'était pareil. Oh, ils se loupaient pas. Hein. Oui, c'était vraiment, vraiment merveilleux, ce bête-là. Qu'est-ce que vous leur donnez comme indication pour faire avancer le bateau? Eh bien, on disait « U ». Alors, « U », ça veut dire d'avancer. Puis si on disait « Arrête », eh bien, on leur disait. Et puis pour tourner à gauche, on disait « Gars ». Oh, je me rappelle même plus, celle-là. C'est tellement vieux. Uo, c'était par là, tourner à gauche. Gars, c'est tourner à droite. Enfin, eux, ils comprenaient. Hein. Mais ils étaient habitués, ce bête. Hein. Il n'était jamais malade? Ah si, il y a bien des fois qu'il fallait venir faire venir le vétérinaire. Je dis le mécanicien. Il fallait faire venir le vétérinaire pour voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui avaient des coliques, hein, les bêtes. Et puis, ils se roulaient par terre quand ils avaient ça. Hein. Ça les faisait souffrir, hein. Il appelait ça des coliques rouges, alors ça se roulait partout, il souffrait la bête. Hein. Alors le vétérinaire, il s'amenait, il mettait une piqûre, et ça se calmait. Ou des fois, il se cassait une patte, mais une patte, quand elle est cassée, on est forcé d'abattre la bête, parce que ça se... Hein, ça se guérit pas, ça, je crois pas, pour une bête. Il n'y avait qu'une bête de malade. On mettait l'autre à terre pour tirer le bateau, mais ça l'allait pas si vite. Hein. Une bête pour tirer le bateau, c'était pas... Puis à s'ennuyer, la bête, à réclamer l'autre. À réclamer parce qu'elle ne voyait plus à côté de lui. Alors ça se réclame les uns aux autres, hein. C'est bizarre. Hein. Alors le halage des bateaux, ça a toujours été des chevaux qui les tiraient. Jusqu'à l'invention de la vapeur. Alors sur les fleuves, on a eu des toueurs qui s'accrochaient après une chaîne dans le fond du fleuve et puis des chevaux dans les canaux. Et aussi l'homme lui-même qui tirait sa péniche. S'il y avait un service régulier de Monceau-les-Mines qui descendait les bateaux jusqu'à Saint-Mamès en tirant par la bricole, comme on disait nous. C'est une sangle qu'on se met autour des épaules et où on tire soi-même sa péniche. Dans le Nord, on employait ce qu'ils appelaient en jargon un waro. C'est-à-dire, c'était une perche qui coinçait dans les boulards, que vous appelez ça autrement, ou ce qu'on a marre dessus, là. Et en tirant, ça poussait le bateau au large. Mais j'ai toujours pensé que c'était un truc qui faisait perdre de la force. Autrement, la technique, eh bien, si c'était possible, on dressait le mât, on mettait une petite ficelle en haut du mât, c'était le mieux. Alors, vous mettiez la sangle sur vos bras, comme ça, et penché en avant. Alors on finissait par avoir mal dans les bras naturellement, puis dans les jambes. Mais enfin, c'est une habitude aussi, ça. À dos d'homme, là, ça s'est fait beaucoup en 1940, 40 et 41. Principalement sur les frontières, là. On n'avait pas de gasoil, on n'avait rien. Parce que dans ce moment-là, il y avait encore les... Il n'y avait pas beaucoup de chevaux, mais il y avait encore les moteurs. Hein. Alors on n'avait pas de gasoil pour faire marcher le moteur. Eh bien, on tirait à la bricole, à dos d'homme, hein. Oh, mais c'était pas mal non plus. Hein. On a descendu toute la Légion du Doubs, là, à tirer à terre, quoi, au dos d'homme. Pas de moteur, rien, puis on s'en allait comme ça. On faisait pas beaucoup de marche. Hein. Et le marinier était au bateau pour le conduire, et puis une personne était à terre pour tirer. Et ça l'allait quand même. Il y avait une technique particulière pour tirer le bateau? Ah ben, c'est-à-dire par à coup pour tirer le bateau, vous savez, hein, toujours par un petit coup d'un coup comme ça. C'est comme les bêtes quand ils tiraient aussi, mais toujours un petit peu par là, par à coup. Hein. La corde, elle faisait toujours un peu ça, comme ça. On ne peut pas tirer régulièrement comme une machine. Hein. Si on était deux, trois personnes pour tirer, mettons, ben, des fois on se donnait la main, ça dépend, hein. Alors, si on mettait deux, trois personnes sur la même corde, eh ben, ça causait, ça rigolait. Enfin, vous voyez pas le boulot, quoi. Et pendant ce temps-là, le temps se passe. Alors, vous savez que maintenant, bon ben, je disais à votre dame, là, il y a 27 ans, je faisais 25 bateaux de commerce par jour. Hein. Ah ouais, tout transité par la voie d'eau. Maintenant, on en fait. Il y a des fois, on n'en fait pas du tout. Hein. Et l'hiver, on en fait. On est des fois une semaine sans faire un bateau. Hein. Ah ouais, parce que dans le temps, je vous dis, ça marchait bien. Hein. Ah bah oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il y avait l'épinard qui venait du midi, ils allaient redescendre à Bercy, emmener le vin. Et après, ils vidaient à Bercy, ils revenaient à Ris-Orangis, ils prenaient de l'alcool à 90, qui remontait dans le midi. Alors c'est pareil, il y en avait je sais pas combien d'épinardiers, parce que c'était rien que des noms d'oiseaux. C'était la mésange, le pinson, la fauvette et tout ça, j'ai connu ça, tout ça. Même on était bien avec des gens, nous, on connaissait bien des amis plutôt. Ah, c'était le bon temps. Hein. Et les bateaux de bois, on en a encore vu ici dans les années, jusque dans les années 60, 55, 60, il y avait des péniches en bois. Ils étaient en chêne, mais le fond, le plus souvent, était en sapin ou en hêtre. Mais le hêtre avait un défaut, il claquait facilement, c'était pas prudent, le sapin était mieux, beaucoup mieux. Mais s'il fallait construire, je m'excuse, une péniche en bois aujourd'hui, elle coûterait trois fois le prix d'une péniche métallique. Et ce serait un crime d'ailleurs. Couper tous ces arbres. Les automoteurs en France, ils ont... Bon, il y a quelques-uns qui ils ont démarré beaucoup plus tôt, mais enfin, c'était, disons, on ne pouvait pas tellement appeler des automoteurs, c'était des petits moteurs, enfin bref. Mais là, vraiment, la motorisation a démarré vers 1925-26. Et c'est là, quand on a fait construire notre bateau, en 1929, mon père avait commandé un bateau, une péniche métallique, et moi, j'avais jugé que... c'était dépassé, qu'il fallait le motoriser. Et puis après, pas mal de palabres avec mes parents, j'ai arrivé quand même à obtenir satisfaction et on est parti avec un automoteur, c'est-à-dire une péniche motrice, avec un petit moteur de 30 chevaux à cette époque-là. C'est d'ailleurs à la suite de cet événement qu'on a eu des troubles dans la navigation. Les artisans tractionnés... se trouvaient lésés par la concurrence de ces nouveaux bateaux moteurs qui démarraient. Et à cette époque-là, ils ont réclamé donc un bureau de tour, qui existe encore d'ailleurs, pour répartir le travail entre tous. Alors la séance est ouverte. Sécurité. Dautonnier. Rodis. Et Méchard. 48. 28 août, 10h15. Régina. Combien? Le 49. Ah, attendez, parce qu'il y a quelqu'un cherche qui va prendre la date. Pour la date, ça va prendre. Comment ça? Ah, ouais, je suis à Melun. Vous êtes quel bateau, monsieur? Je suis à Melun. Le Mikama et le Mijelon, ça va pour la date. Le Mikama et le Mijelon. Pour la date, ça va pas, je suis à Melun. Vous avez pris le 44 et le 39. Non, j'arrive. Le 26. Il y avait un moment important dans la vie du marinier. C'était l'attente du père quand il revenait du bureau d'affrètement. Parce que c'était un petit peu comme le Père Noël qui revenait avec des cadeaux. Il revenait avec, d'abord, est-ce qu'il revenait avec quelque chose? Ça, c'était important parce qu'on se rendait bien compte qu'il fallait que le bateau voyage pour pouvoir vivre. Et en même temps, c'était cette attente de se dire où on va aller, qu'est-ce qu'on va transporter. Et on était là, on avait le nez collé au carreau. On attendait le retour du père. Et quand il revenait, on sautait dessus pour lui dire « Alors, t'as un voyage ?» Et lui faisait exprès, c'était comme un jeu, il faisait exprès de faire le personnage énigmatique. Il ne le disait pas tout de suite, ou bien il disait des trucs qui étaient faux pour nous faire bisquer un peu. Mais en général, on voyait bien, on arrivait à percevoir s'il était content ou pas. Alors il ne restait plus à ce moment-là qu'à savoir où on allait et ce qu'on allait charger. Il y a deux Nemours à la même blague. Il y en a un avant, c'est le même chargeur. Voilà. Qu'est-ce qui est deux Nemours. Il y a deux Nemours. Il y a Nemours d'Az et Nemours Coulers. Évidemment qu'il y en a un qui peut-être ce soir à Nemours. Les bateaux étaient à la traction. Alors, il dépendait toujours de ce tracteur. Bon, le marinier conduisait son bateau comme il devait le conduire, mais s'il avait envie de ralentir, il ne pouvait pas parce que c'était le tracteur qui tirait. Il faisait signe au tracteur de ralentir, quelquefois il s'endormait, c'est parce que c'était des tracteurs sur rail, donc il pouvait dormir tranquillement, il n'y avait pas de danger, il n'y aurait pas déraillé. Alors bon, le marinier était obligé de crier, bon, quelquefois il tirait un petit peu plus fort, s'il fallait passer un tournant dangereux, bon, il fallait tirer un petit peu plus fort, bon, il ne le faisait pas toujours. Après, il dit, tu vas trop vite. Il ne ralentissait pas. Tandis que quand le marinier, il a eu son moteur dans son bateau, alors là, il était le maître à bord, parce qu'il avait son embrayage, son accélérateur, il voulait un petit coup, allez, vas-y, il faisait. Alors c'était le rêve, c'était l'Amérique, ça. Et vraiment, je me souviens, moi, personnellement, j'étais contente aussi. Alors il n'y a qu'une chose, c'est que le premier voyage qu'on a fait avec le moteur, moi, je l'ai fait tout le voyage sur le devant du bateau. J'avais un de ces mal de tête avec le bruit du moteur. Incroyable. Et maintenant, le moteur marche, mais on aperçoit. Quelquefois, le moteur est arrêté depuis une heure. Bon, tiens, le moteur est arrêté. On vit avec. Il y avait un petit peu moins de mal, voyez-vous. On était quand même à deux au bateau. Il fallait s'occuper du moteur, ça d'accord, mais on était quand même deux au bateau pour s'occuper de tout. Alors là, le marinier et le monsieur, l'homme, ils s'occupaient du bateau pour le conduire. La femme, elle pouvait s'occuper des enfants et puis s'occuper un petit peu de son ménage. On faisait tout en même temps. Oh, ça fait un drôle de travail quand même. Hein. Mais enfin, on était tous en famille. On pouvait quand même aller partout, hein, en Belgique, en Hollande, c'était plus la même vie. Tandis qu'avec les chevaux, on allait quand même qu'en Belgique. Oui, il y avait une levée de halage, là on pouvait aller. Mais alors quand c'était dans les rivières, des fois les bêtes ne pouvaient pas tirer parce qu'il n'y avait pas de levée de halage. Hein. Alors tout ça, ça l'a changé un petit peu. Tandis que quand on est comme des canards, qu'on patouille dans l'eau, alors là, ça, on peut aller où qu'on veut. Hein. Ça, c'est normal. Question de partir à 9h, hein, à 6-7h, il fallait être debout et puis recommencer le voyage. Et moi, je me réveillais toujours bercée par ce bruit du moteur. Et c'était vraiment une sensation très particulière. J'avais vraiment l'impression de retour à l'état de fœtus. Il y avait le bruit du bateau, c'était un peu le cœur de la mer. Et puis, il y avait quelque chose de très rassurant, c'était que ça continuait à marcher, les choses se faisaient. Alors qu'on était bien douillettement dans son lit, au chaud, tout se passait comme ça. Le je me levais tous les jours en été, par exemple. Hein. Tous les jours à 5h, 5h moins le quart, j'étais debout, je faisais mon manger, j'habillais celle-là, enfin je la nettoyais. Et puis après, quand 6h arrivait, j'allais préparer le moteur pour mettre en route à 6h30. Enfin, ça ne me faisait pas grand-chose d'attendre, hein. Et j'étais pas fatiguée. Vous terminiez à quelle heure? À 7h30. De 6h30 à 7h30, en été. Et en hiver, de 7h30 à 5h30. Là, ça allait mieux en hiver, hein. On se lève moins de bonne heure. Mais à 7h30, le matin, il ne fait pas clair. Hein. Faut allumer les feux pour marcher. Hein. Alors, marcher dans la nuit, c'est encore pas régalant. Mais enfin, sur le matin, on va sur le jour. Hein. C'est pas pareil. Tandis que le soir, on va sur la nuit, alors... Quand on part le matin, on dit, OK, on va aller coucher à telle et telle place. Et si on y va pas, on n'est pas content. On dit, on n'a pas fait une bonne journée aujourd'hui. Et si on va un petit peu plus loin, notre journée a été bien mise, elle était bien tassée. On a le temps de regarder les paysages? Ah oui, on a le temps de regarder les paysages. Et puis si ça vous fait plaisir, vous pouvez arrêter votre bateau et aller visiter. Hein. Ça, il n'y a pas. Hein. Oh, mais la navigation, c'est gai, hein. L'été, vous voyez les pêcheurs, vous voyez tout le monde qui se balade, tout ça, ben ça fait plaisir, c'est vraiment impeccable. Hein. Chaque saison, quand même, est différente. Hein, parce que l'hiver, on voit rien du tout. Hein. Puis vous savez, quand la neige tombe pour naviguer, c'est pas rigolo non plus. Quand vous avez 5 neiges sur le bateau, 15 à 20 cm de neige, et puis que vous pouvez pas marcher pour aller sur l'avant, pour faire la manœuvre, tout ça, pour étaler vos écluses, et bien là, ça fait quand même différent. Hein. Puis les doigts, qu'est-ce qu'ils prennent, hein? C'est clair. Moi, j'ai déjà vu en Bourgogne, sur le canal de Bourgogne. Là, j'étais avec mon frère. Hein. Et bien, la peau de mes mains, on restait après le fil de fer. Tellement que c'était gelé. Bon, on ne sentait rien à ce moment-là, on était gelé. Ça ne faisait rien. Et vous savez, comme ça, après, on a levé la peau des doigts, comme ça. Mais ça allait. C'était tout. Ça serait maintenant, on aurait pu faire. Mais là, quand on est jeune, on ne pense pas. L'été, ça fait trop chaud. L'hiver, ça fait froid. Tandis qu'au printemps, on a printemps puis l'automne. Ça, c'est merveilleux pour naviguer. Vous vous êtes programmé pour quand à Charleroi? Vendredi. Hein? Vendredi. Vendredi prochain, là. Ouais, vous avez le temps, là. Bon, ça, lui, il va pas s'embêter non plus. Hein. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'avalans hein, qui vont descendre. Hein. Que... On perd beaucoup de temps, c'est comme ça? Il y a... Ah bah ouais, parce qu'il paraît que vous pouvez pas croiser du tout. Hein. Parce qu'il y en a 8 qui redescendent, hein. Oh là là, des 8. Bateaux de charbon qui sont chargés. Hein. Ils ont eu un chargement impassible. Hein. Alors, il paraît que vous bataillez au moins une heure ou deux dans les villes. Oh là là! Ah bah oui. Ah, s'ils sont chargés aussi, assez lourd. On va mettre 3 jours pour aller là-bas, au lieu de 2. Quelquefois, on devait aller tout près de la mer. C'est très vague dans mon esprit, mais je pense que ça devait être du côté du Havre, vers la baie de la Seine. Et alors là, il y avait tout un cérémonial. D'abord, il fallait que le carnet de bord soit bien tenu à jour. Il y avait quelqu'un qui venait, je ne sais pas, ça devait être quelqu'un des ponts et chaussées probablement, qui venait vérifier le bateau, qui venait voir si tout était bien en ordre du point de vue de la sécurité, si on avait bien toutes les petites lumières qu'il fallait pour voyager la nuit. Et alors justement, pour moi, c'était à la fois une fête, mais c'était en même temps quelque chose d'assez terrifiant. Parce que... On allait donc voyager la nuit. Déjà, ça, c'est bon, c'était quelque chose d'un peu mystérieux, un peu féerique. Et puis, en même temps, on allait aborder la mer. Et alors, la mer, dans mon esprit, c'était vraiment l'immensité. C'était quelque chose de très dur, de très méchant, qui bouffait les bateaux, qui engloutissait tout. Et bon, ça m'excitait un peu, l'idée du danger. Mais en même temps, j'avais très très peur d'aborder cette mer avec cette petite péniche là. Moi, je me sentais toute petite là-dedans. Ah, on y a été un jour sur l'Archeté là. Oh là là, dis donc. Et puis c'était les mauvaises marées là. J'ai dû débarquer à terre pour pouvoir rentrer dans le chenal à côté pour être à l'abri. Autrement, là, le bateau faisait cogner. Il y avait des bouées entre deux, mais ça ne faisait rien. Les bouées s'étaient écrasées. Ouais. C'était pas marrant, on avait mal tombé aussi une tempête. C'était dans un virage qu'on devait rentrer dans l'écluse. Alors le bateau il a fait des secousses terribles. Oh là là. Quand il y a des crues, c'est-à-dire que la rivière vraiment coule très très vite, il y a des endroits où il y a des dangers. On risque de pas bien contrôler le bateau et d'aller au fond, comme disent les mariniers. Et à chaque fois qu'il y avait un danger, moi, j'étais investie d'une charge. J'étais chargée de garder une cassette. C'était une petite cassette en fer. Elle était verte, je me souviens, un peu comme les cassettes des comptables. Et dans cette cassette, bon, il y avait l'argent, il y avait les papiers de famille, il y avait éventuellement les bijoux, si on en avait, mais c'était pas le plus important. Et moi, j'étais chargée de serrer très fort cette petite cassette sur mon cœur et de me tenir juste en haut des marches, de pas aller plus loin parce que j'aurais gêné les manœuvres. Mais j'étais là, prête à bondir avec ma cassette. Bondir dans quoi d'ailleurs, je sais pas, parce que... Peut-être dans le bachot, c'est la petite barque qu'on traîne, mais il y avait quand même pas mal de remous. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait dans ce bachot, on aurait certainement aussi été noyés. Enfin, ça, c'était mon rôle, j'étais gardienne de la cassette. Vendredi 27 mars 1925. Soin aux papiers. Les papiers tels que convention, lettre de voiture, certificat de jaugeage, dernière quittance des droits de navigation et autres papiers que le batelier doit produire assez fréquemment doivent toujours être conservés dans une enveloppe solide et propre. De la sorte, ils pourront rester eux-mêmes dans un état de propreté convenable, vous permettant de les présenter sans avoir à rougir. Il serait à souhaiter que le batelier eût un portefeuille en cuir ou en toile cirée de format suffisant pour y mettre sans les plier ou sans les plier plus d'une fois ses diverses pièces et par conséquent une poche intérieure assez grande pour recevoir le portefeuille. On était chargé de sable et pendant la guerre, ils avaient fait un pont flottant. Et ce pont flottant, il y a une pièce en ferraille très grosse qui a parti au fond de l'eau. Donc il n'y avait pas de balise, il n'y avait rien du tout. Et nous, on était chargé très lourd de sable et on a été sur cette ferraille. Il y a eu un trou formidable. En 3 minutes, le bateau était au fond. Alors, on a eu la chance d'avoir des amis qui se trouvaient à côté. Alors, quand ils ont vu que le bateau partait au fond, on venait de leur dire bonjour en passant. Ils ont vite venu. Alors, vite, mon mari a voulu voir lui-même. J'étais conduire le bateau, il m'a remplacé. Il est venu voir au bout du bateau. Et vite, vite, il dit, il faut se diriger vers la digue. On a juste attrapé la petite barque qu'on a, bien sûr, qui nous suit toujours, pour pouvoir sauter dedans et débarquer à terre. J'avais toujours la précaution de préparer une petite serviette avec tous les papiers dedans, les papiers du bateau, tout ça, on les a récupérés parce que je ne les mettais jamais loin. Et on a juste eu le temps d'attraper ça en bas. Et il ne faut pas rester, surtout quand l'eau rentre, parce qu'on serait... collé au plafond, on ne pourrait plus s'en sortir avec l'eau qui monte. Soin au papier. Suite. On ne mettra dans ce tiroir aucun papier inutile. On y mettra une pochette en toile cirée suffisamment grande pour recevoir tous les papiers qui se trouvent dans le tiroir, de la sorte, si le bateau menace d'aller au fond, on aura vite fait de mettre la main sur tous les papiers importants et de les sauver. Pénible et bizarre accident. Récemment, l'automateur Falen descendait l'Oise vers midi 15 à 50 mètres en aval du barrage dans la commune de Asnières-sur-Oise. Il était chargé d'éléments de caniveau pris à la Société française de poteaux électriques de Précy et descendait l'Oise. Au passage de l'égluse de Boran, rien d'anormal n'avait attiré l'attention de l'équipage et de l'éclusier. Le Falen venait de doubler le factum en chargement de betteraves quand tout à coup il se retourna complètement pour faire quelques instants plus tard un quart de tour. Pendant ce temps, Mme Maillet avait été projetée à l'eau. Quant à M. Maillet, l'accident avait été si rapide qu'il fut surpris dans la cabine de timonerie par l'immersion. Heureusement, ne perdant pas son sang-froid, il brisait une glace et regagnait la rive à la nage. Madame Midaven, leur grand-mère, était restée malheureusement dans la cabine. Que faire ? C'est alors que, malgré les vives émotions et la fatigue, M. Maillet n'hésita pas à sauter dans le bachot de M. Carpentier, seul témoin de l'accident, accourut aussitôt. Ensemble, ils purent défoncer la fenêtre de la cabine, émergeant d'une vingtaine de centimètres le niveau de l'eau, et sauvèrent le cher vieillard, âgé de 77 ans. Monsieur Lefebvre, l'agent si dévoué de l'entraide batelière, qui a assumé l'assurance du bateau et de la marchandise près de l'Alliance régionale, a pris dès qu'il fut prévenu toutes les mesures nécessaires au renflouement du Falen. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ignorons les causes de ce bizarre accident. c'est une chose qui n'arrive jamais, mais ça peut arriver puisque ça nous est arrivé. Au début, il n'y avait pas de frigidaire, alors il fallait les mettre tout ce qu'ils craignaient dans le plus profond de l'eau possible, par exemple dans les courbes devant, par exemple. Là, c'est au frais pour mettre la boisson. Vous savez, après le logement du devant, pas du derrière, le logement du devant, il y a des courbes comme ça, ça fait comme une sorte de cave. Nous mettions la boisson. Et pour le beurre, on mettait des cloches, il y avait des cloches qui mettaient de l'eau. Dans le temps, alors. Hein. Et le beurre, il restait au frais. Et ma foi, la viande, ça peut se garder quand même une journée ou deux. Et après, on la faisait roussir. On faisait roussir et après, elle tenait ou on la faisait cuire. Ça en arrivait de trois jours sans. Parce qu'après, aux écluses, il y avait du ravitaillement. Hein. Regardez comme à Longueuil-Anel, il y a des commerçants. On se ravitaille à Longueuil-Anel si on va dans le nord. Après, on se ravitaille. Sur des bouchers ou des épiceries qui sont au bord de l'eau, alors on est tous les deux, trois jours, on peut se ravitailler quand même. Hein. Vous aviez des rapports comment avec les éclusiers ou les éclusières ? De bons rapports à ce moment-là, oui. De bons rapports. Les éclusiers et les mariniers, de très bons rapports. Tandis que maintenant, c'est tout est mécanique, c'est à peine si on voit l'éclusier, juste pour porter les papiers, le laisser passer. Et ça dure tellement pas longtemps dans les écluses maintenant, hein. Tout électrique. C'est... Tandis que dans le temps, c'était. Alors on pouvait causer un peu. assez dur quand même d'ouvrir les portes. Oh. C'est-à-dire on y est habitué, on ne fait pas attention, mais les personnes qui ne sont pas habituées trouvent ça dur. Et quand vous devez ouvrir les deux portes, c'est le marinier qui ouvre la seconde? Ah ben quand le bateau est dans l'écluse, oui, mais quand on y prépare l'écluse, c'est nous qui le font, nous, oui, on fait le tour de l'écluse, puis on va ouvrir l'autre après. Ça prend du temps. Accuser une pénuche, il faut compter à peu près 20 minutes. Maintenant, on va ouvrir les vannes à l'aval pour vider l'écluse. Alors, il y avait des écluses où il y avait simplement l'éclusier. Souvent, bon, c'était un copain, on se connaissait, c'était quelqu'un de sympa. Mais aussi, il y avait les écluses où il y avait un café avec une petite épicerie. Je me rappelle, c'était Café Buvette. Alors, quand il y avait une épicerie, en général, mon père revenait avec une surprise. C'était un petit paquet qu'on ouvrait, et puis alors dedans, il y avait des petits trucs, des petits gadgets. Et aussi, moi je me souviens très bien avoir eu le premier numéro de Mickey. Et alors, on achetait mon Mickey toutes les semaines aux écluses. Et il y avait quelque chose de bien aussi dans les écluses, c'est qu'on pouvait... Bon, il y avait l'éclusier qui ouvrait une porte, et si on voulait que ça aille plus vite, on sautait à terre, et hop, on allait ouvrir l'autre porte. Et puis quelquefois même, alors là c'était vraiment un privilège exceptionnel, parce que bon, ça représentait peut-être un petit danger... On pouvait ouvrir les vannes, c'est-à-dire c'est des petites portes incorporées dans les portes de l'écluse qui permettent de laisser passer l'eau pour remonter le niveau de l'écluse de façon à ce que le bateau puisse sortir. Enfin bon, les écluses, c'était bien. Puis alors, il y avait, je me rappelle que du côté de, je crois que c'est de Rouen, il y a une écluse qui doit s'appeler Pose. Alors là, c'était l'écluse industrielle où il y avait énormément de bateaux là-dedans. Puis alors, ça, elle était très haute et on montait vite. On était catapultés presque du bas de l'écluse en haut de l'écluse. Mais vraiment, c'était très rapide. Ça devait être une écluse moderne, probablement. Et alors, à cette écluse-là, je n'aimais pas du tout parce que mon père, il n'avait pas le temps d'aller me chercher mes Mickey et mes surprises. Et vraiment, non, c'était pas la bonne écluse, ça. C'était donc un métier très dur. Moi, je me souviens très bien qu'il y a une époque, dans les années 50, on avait pris un contrat. Un contrat, c'est un certain nombre de voyages qu'on fait. En général, c'est par 10. On avait donc pris une série de 10 voyages à faire. Il fallait charger du ciment à Gargenville jour et nuit. Et il y a quelque chose de... C'était du ciment en vrac. Il y a quelque chose de spécifique au ciment. C'est que si on ne lave pas le bateau immédiatement, le ciment s'incruste sur le fer du bateau. Et alors là, c'est vraiment terrible, parce qu'après, il faut l'enlever avec un marteau. C'est très difficile à enlever. Et en plus, ça abîme le bateau. Donc, deux jours de nuit, à 3h du matin, c'est arrivé que mes parents, après avoir chargé, doivent laver le bateau pendant 2 ou 3 heures, bien enlever tout le ciment dans les moindres recoins, sous peine d'avoir un bateau abîmé. Donc ça, c'était un rythme de vie vraiment infernal. Bon, c'était certainement très bien payé, mais c'était dur aussi, hein, surtout pour ma mère. bon, c'est ça, là. Toute marchandise a ses inconvénients, hein. Le blé, c'est la poussière. Mais... Le phosphate, c'est sale, ça s'infiltre partout aussi. Et on a fait beaucoup du phosphate. Du ciment, oui, ça. Faut pas que ce soit mouillé parce que ça prend. La farine, on a enlevé. Du sucre. Du sucre en sac, ça, c'est pas sale. Alors la cargaison, c'était vraiment pour un enfant sujet, la plupart du temps, sujet à émerveillement parce qu'il y avait la quantité. Ça, c'était se retrouver, par exemple, au milieu de 250 tonnes de sable pour un enfant, c'est quand même quelque chose de très chouette. Et alors, quand le sable était blanc, alors là, c'était l'émerveillement parce que c'est un sable tout doux. Et jouer là-dedans, enfin, vraiment, c'était d'un luxe absolument incroyable. Et quand j'étais très petite, c'était juste après la guerre, je me souviens que le bateau entier était chargé de bandes dessinées. Et mon père avait donc soulevé une écoutille. L'écoutille, c'est ce qui protège la marchandise sur le bateau, ce qui recouvre le bateau. Et je m'étais installée là-dedans avec toutes ces bandes dessinées. Mais en fait, là, c'était un émerveillement un peu mitigé. Parce que c'était en américain, et alors moi je comprenais pas du tout. Donc je voyais bien les images, mais enfin bon, j'étais un peu frustrée quand même. Et alors je m'étais mise à chercher partout désespérément quelqu'un qui puisse me traduire ça, mais enfin bon, j'avais pas trouvé. Il y a eu une cargaison qui était très intéressante aussi, c'était le blé. Je me souviens avec mes cousines, on sautait dans le blé. Et alors là, le blé n'était pas arrimé, c'est-à-dire que ça faisait des petites montagnes. Et on escaladait ces montagnes de blé, mais bien évidemment, c'était meuble, alors ça descendait au fur et à mesure. Et on se roulait dans ce blé, on se lançait la figure, enfin c'était un contact avec les éléments vraiment extraordinaire. Je parle de mes parents, eh bien, on ne s'embêtait pas, il n'y avait pas de problème de scolarité à l'époque. On n'avait pas parce qu'il n'y avait rien. Alors les mariniers qui avaient un peu de moyens plaçaient leurs enfants en pension chez des particuliers, ou alors ils profitaient de droite et de gauche d'un arrêt de navigation pour mener comme des petits manouches, et on allait, on nous plaçait comme ça, à droite à gauche dans les écoles. Mais ce que j'ai connu aussi, moi, à Cérocourt-le-Grand, dans l'Aisne, c'est un phénomène de rejet. Parce que là, j'étais en pension chez des particuliers, j'ai été 4 mois là. Eh bien, dans le village, c'était pas facile à s'implanter. Il fallait faire sa place à coups de poing, quoi. Moi, j'étais chez une tante. C'était aussi en famille, chez une tante. Alors, on était bien, quoi. Mais quand la mère partait, c'était pas pareil. On avait tout le chagrin, vous voyez bien ce que c'est. Vous arriviez à voir vos parents tous les combien ? Ouh, des fois on était de vacances en vacances, on ne les voyait pas. Ça dépend des transports qu'ils faisaient. Hein. Moi, je suis allée à l'école à partir de l'âge de 8 ans seulement, parce que mes parents avaient décidé de me dégrossir, si on peut dire. Alors ma mère a été chargée de m'apprendre à lire. Et bon, alors elle faisait quelque chose de très structuré, c'est-à-dire que tous les jours à la même heure, il y avait une demi-heure de réservée pour la lecture. Quant à mon père, il s'était réservé l'apprentissage du calcul. Et effectivement, ça correspondait bien à sa nature, c'est-à-dire que c'était à n'importe quel moment de la journée, comme ça, il m'attrapait au vol. Et puis souvent, ça se passait pendant qu'il conduisait le bateau. Alors il me disait, bon, allez, viens, on va apprendre un peu à compter, là. Alors moi j'arrivais, et puis il me faisait conduire le bateau, reste à côté de moi bien entendu, et puis en même temps il m'apprenait à compter. Et alors quand j'avais appris quelque chose, après j'étais chargée d'aller le répéter à ma mère pour lui montrer qu'il était quand même, il m'avait bien appris à compter. Et il y avait autre chose aussi qu'il m'apprenait, il aimait beaucoup m'apprendre à écrire, et il me faisait faire des pages de majuscules, je me souviens, mais ça c'était vraiment interminable pour moi. Et je me souviens en particulier d'une époque, ça se passait l'été, on mettait une petite table sur le bateau avec une petite chaise à l'entrée du bateau. Et là, je faisais mes devoirs, je remplissais mes feuilles de majuscules. Et alors, il y avait les copains de mon père qui venaient le voir. Et puis alors, tous, ils passaient, ils regardaient ce que je faisais et ils s'extasiaient. Oh là là, qu'est-ce qu'elle écrit bien, la petite. Enfin bon, tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Et c'était assez amusant, ça. Donc à l'âge de 8 ans, on a décidé de me mettre en pension. L'endroit du pensionnat, c'était toujours choisi proche d'une rivière. Parce que les parents devaient venir voir leurs enfants aussi souvent que possible, mais en alliant un peu l'impératif de perdre le moins de temps possible. Donc il fallait que ce pensionnat soit près de la rivière. Et moi personnellement, la première pension où je suis allée, c'était à Charenton École, chez les bonnes sœurs. Et alors, bon, j'aurais toujours le souvenir de ma mère qui m'a emmenée un soir, qui m'a déposée un soir. Et bon, elle s'est mise à éclater en sanglots quand elle m'a laissée derrière la porte. Et je me souviens très bien, au passage, d'un docker qui savait que j'allais aller en pension et qui m'avait légué, mais vraiment comme un trésor, comme un vieux grimoire, la table de Pythagore. Et il m'avait dit, tu sais, avec ça, tu pourras toujours te débrouiller dans la vie. Dans cette école, bon, il y a eu énormément de problèmes parce que je faisais partie d'une minorité. C'était même pas une minorité, c'était quelque chose d'unique. On a commencé, il y a certaines personnes, certains enfants, qui ont commencé à m'appeler bohémienne, saltimbanque, enfin ce genre de les gens du voyage, quoi, pour elles. Et une fois, je me souviens très bien qu'il y avait deux petites juives qui étaient avec moi. Et alors, elles avaient pris fait et cause pour moi, parce que bon, elles sentaient que ça ressemblait un petit peu à leur problème, quand même, de minorité. Et on avait coincé la nana qui nous appelait, qui m'appelait bohémienne. Et alors, elle avait reçu une de ses raclées, quelque chose de bien. Et je me souviens que, bien évidemment, on avait été convoqués par la bonne sœur pour s'expliquer. Et il y avait une sorte de connivence entre nous, c'est-à-dire que plutôt que de dire qu'on m'avait traité de bohémienne, c'était tellement injurieux pour moi qu'on a préféré ne rien dire et de se faire punir à notre tour et d'une façon sévère. C'est comme ma fille, on a mis notre fille à l'école à Lyon, la plus vieille, elle a eu 50 ans le 9 juin ici. Mais on l'a mis à l'école à Lyon. On était un an sans la voir. On écrivait, on téléphonait, ça d'accord, mais on n'avait pas de transport pour aller dans la région de Lyon. Alors on allait la chercher aux grandes vacances. Et vous savez, pour ça, les enfants, ils sont moins détériorés que quand qu'ils les prennent tous les 8 jours. Parce que quand on y va, qu'on les prend, après ils sont détériorés et ils sont ennuyés pendant au moins 8-10 jours. Donc ils n'apprennent plus leur classe. Tandis que comme ça, ils apprennent leur classe carrément. Je ne sortais pas très souvent parce que mes parents faisaient de longs voyages. Et la plupart du temps, c'était aux grandes vacances, c'est-à-dire à Noël, Pâques et puis les grandes vacances. Et alors, les autres sorties, elles étaient ponctuées par le hasard. C'est-à-dire que si j'avais un oncle qui passait tout près, bon, ben, ici, ça tombait un week-end aussi, parce que bon, à l'école, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. L'oncle ou la tante venait nous chercher et à ce moment-là, on sortait. Mais enfin, c'était toujours très triste parce que ça faisait sentir encore plus l'absence des parents. Mais malgré tout, je ne me sentais pas abandonnée parce que je savais à l'époque que c'était un mal inévitable. On me l'avait fait comprendre. Et puis de temps en temps, bon, je recevais une lettre de mon père. Et je me souviens très bien en particulier d'une lettre qu'il m'avait écrite alors que le bateau était pris par les glaces. Et alors, ils m'expliquaient que, bon, ben, c'était peut-être pas drôle pour moi, la vie en pension, mais pour eux, c'était pas non plus la joie, parce que, bon, ils pouvaient pas bouger dans ces glaces, ils avaient froid, ils pouvaient plus voyager. Et c'était très drôle, parce que ça faisait ressortir un peu leur isolement, et puis d'un côté le leur, et puis de l'autre le mien. Il y a des années qu'il n'y avait pas d'hiver. Mais là, combien ? Là, j'ai 74 ans. J'avais juste 65 ans. En quelle année que c'était ça ? J'ai été 27 jours à Sassny. À Sassny, il n'y a qu'une écluse. Il n'y a pas de ville, il n'y a rien du tout. Alors là, on était bien placé, tout seul, 27 jours à garder l'hiver. Hein. Toujours de la neige, on a 20 cm de neige. Alors là, on est tranquille. On a... Et pour aller en provision, il y avait au moins 6 km. Alors on faisait ça qu'une fois par semaine. Quoi. On a mis toutes les fourbies. Aussi l'hiver, une fois, j'étais 3 semaines à Melun. Et bien, là, c'est un marché. Puis après, le canal, il a marché au bout de 15 jours après. Hein. Eh bien, l'hiver, en principe, chaque jour ou tous les 2 jours, on desserrait l'étreinte de la glace autour du bateau en cassant d'un côté un intervalle de 50 cm ou d'un mètre. On faisait un petit fossé. Et puis, il fallait casser les trous pour avoir de l'eau, pour tirer de l'eau. Avec mes parents, nous sommes restés un mois là-bas sur le canal de la Somme. Entre, pour vous dire, tout près de Ham, Peuville. Nous sommes restés là, c'était magnifique. Moi, je suis un poète de contemplation. Quand je voyais ces grands peupliers, ces corbeaux, à l'époque, il y avait beaucoup de corbeaux. J'aimais les corbeaux, bon, c'est marrant. Les poules d'eau qui venaient picorer jusqu'à côté du bateau. Mais on savait aussi qu'on n'allait pas y rester. C'est pourquoi on admirait, on aimait cette solitude. Quand on gardait l'hiver, vous savez, comme ça, bien, des fois les éclusiers venaient passer la soirée avec nous, ou des fois on allait avec eux chez eux. Passer un petit peu de soirée, quoi. On était tranquille, on était en famille. Et puis eux aussi, parce qu'il y a des éclusiers qui sont, comme je vous disais, à Sassny, là. Bien, il est tout seul, cet homme-là. Alors quand il a quelqu'un, bien, ils sont tranquilles, ils sont un peu familiers, quoi. Hein? Et puis après, ça se reconnaît, vous savez. On garde toujours des bons souvenirs. Hein. J'ai eu des amis chez les éclusiers, à Varennes-sur-Seine, là déjà. Que chaque fois qu'ils nous voyaient arriver, nous apportaient un panier de légumes. Et puis, à plusieurs endroits, oui, on avait des amis éclusiers. Par exemple, j'ai eu un bébé, et nous étions très bien avec les éclusiers, l'éclusière, bien sûr. Et quand j'ai eu le bébé, il est venu faire tout le nécessaire avec mon mari, avec mon beau-père, tout ça, toute la famille. Alors je me souviens très bien de la naissance de ma sœur, puisque j'avais 5 ans. Le premier enfant était né pendant la guerre, ça s'était très mal passé, parce que ma mère avait eu un siège et ça s'était passé au bateau, et ça s'était vraiment très très mal passé. Le deuxième enfant, c'était moi. On avait donc pris toutes les précautions d'usage, et ça s'était passé dans une clinique. Et le troisième, je ne sais pas pourquoi... mes parents avaient décidé que ça se repasserait à nouveau au bateau, sur le bateau. Mais quand même, mon père avait pris des précautions. Il était allé s'amarrer à peu près une quinzaine de jours avant le terme de la grossesse, en face de chez un médecin. Et bien évidemment, quand la naissance a eu lieu, quand on a eu besoin du médecin, et bien évidemment, il n'était pas là. Alors mon père s'avait mis mon père dans une rage folle parce qu'en fait, il s'était aperçu que tout ce qu'il avait monté avait complètement échoué. Ah, bien sûr, ça, c'est pas toujours évident quand on est malade. Surtout si c'est la nuit, il n'y a pas de téléphone. Naturellement, il faut voir l'éclusier téléphoner, si c'est pas trop loin. Ou alors, c'est pas facile, c'était pas facile à l'époque de se faire soigner. On se trouvait dans une région qu'on connaissait pas forcément, et la plupart du temps, pas du tout. Et il fallait donc se renseigner pour trouver un médecin qui puisse vous recevoir, qui puisse vous caser dans les rendez-vous. Alors la manip, en général, ça consistait à se présenter chez le médecin et puis à raconter un peu sa vie en disant qu'on était marinier. En général, ça passait pas mal parce que bon, les gens, ça les intéressait un peu. Et donc, je me souviens très bien cette fois-là que mon père, c'était à la tombée de la nuit, m'avait emmené sur son petit vélo. Et j'étais donc sur ce petit porte-bagages, je me souviens, il m'emmenait, j'avais la joue enflée, j'avais quelque chose, un cache-nez ou quelque chose autour de la tête. Et puis donc on allait tous les deux essayer de trouver un dentiste qui allait pouvoir me régler mon problème. Et bon, en plus, il n'était pas question d'être suivi par le même médecin. Il y avait une sorte de relais entre les médecins, c'est-à-dire que le médecin qui vous soignait ce soir-là écrivait une lettre à un autre dentiste pour lui expliquer quelle était la marche à suivre et ce qu'il avait fait et ce qui devait être fait après. Et puis en plus, vous avez d'ailleurs, c'est dit partout, les mariniers, ils ne faisaient pratiquement pas soigner. On n'allait jamais au docteur pour acheter, s'il y en avait un rhume ou quelque chose, on allait acheter un sirop soi-même, etc. Et puis ça s'est révélé que quelques-uns s'en trouvaient gravement malades sans s'en apercevoir. Parce que arrêter le bateau, moi je vous avouerai que j'ai jamais arrêté mon bateau pour maladie. Mais en principe, quand on était malade, quand on voulait voir un docteur, si ça ne pressait pas trop, on attendait d'être dans un lieu où c'est qu'on était, que la batellerie était connue. Par exemple, ici, vous aviez un docteur qui s'appelait de Chirac. Et c'était le docteur des mariniers. Il a couché les femmes à bord des bateaux à cette époque-là. Et il venait sur tous les bateaux sans problème. Et son successeur, c'est la même chose. Son patron, son prédécesseur, lui a dit il ne faut pas oublier les mariniers. Ce sont les braves gens, il faut les soigner. Il y a la route de Saint-Quentin qui est très très longue. On rentrait le soir et on en sortait le matin. Alors, on s'arrangeait pour pas dormir et on faisait des crêpes pour passer le temps avec les voisins, les mariniers qui se trouvaient derrière ou devant. On était attachés tous ensemble, l'un derrière l'autre. C'est un peu terrifiant, tout au moins pour un enfant, mais pour les adultes aussi, probablement. Parce que on se trouve engagé dans un endroit qui est sombre, qui est humide. Il y a l'humidité qui suinte sur les murs de la voûte. Et moi, j'avais très peur là-dedans. J'étais pas bien, j'étais pas en sécurité, parce qu'on a l'impression que, de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut pas en sortir. Et bon, c'est bien vrai, parce qu'on est les uns derrière les autres, et puis on peut rien faire, hein, c'est un problème. Et alors, certainement que pour exorciser cette peur, on avait créé cette coutume, c'était de faire des crêpes. C'était aussi peut-être parce que les crêpes, ça nécessite pas mal de temps, et on avait le temps de les faire. Ce qui était principalement intéressé les mariniers, c'était le bal. Alors ils allaient souvent au bal. Moi je me souviens que mon père me racontait, il faisait des kilomètres en vélo le long du canal pour aller au bal, retrouver ses amis. Et puis c'était, je pense que c'était une de leurs meilleures passions à cette époque-là. Dans le nord, il y en avait à peu près tous les 15 kilomètres à peu près. Vous en avez à Béthune, Pont-à-Vendin, après à Chauny, après à Jeanville, à Longueuil-Anel, à Conflans. Conflans-Sainte-Honorine, là, ça s'amusait bien aussi. Dans le Nord, ça s'amusait bien. Sumont-sur-les-Mines, ça s'amusait bien aussi. Chalon-sur-Saône, ça s'amusait bien. Enfin, vous voyez bien les grosses files, quoi, ou les lieux de chargement. Puis vous savez, quand on se trouvait une bande de bateaux qui avait des jeunes, eh bien tous les jeunes sortaient ensemble et ça s'amusait, ça allait au bal, au cinéma, ça s'amusait correctement. Hein. Et puis des fois, c'est là qu'ils faisaient connaissance et puis que ça se mariait ensemble. Hein? D'ailleurs, à cette époque-là, c'était un peu comme les cultivateurs, on était bien. Les mariniers se mariaient entre eux. Dans la batellerie, on se connaît pratiquement tous. Et puis, je connaissais les parents de ma fiancée, ma future fiancée, alors à cette époque-là. Et je l'ai connue se trouvant plusieurs fois dans les ports ensemble. Et puis, voilà pourquoi j'ai marié ma femme. Et on arrivait à se voir souvent entre fiancés avant de se marier ? Ben voilà, c'était là aussi un inconvénient, parce que c'était pas tous les jours qu'on pouvait se rencontrer. Quand un bateau avait pris une direction et l'autre opposée, il pouvait se passer plusieurs semaines, quelquefois même des mois, sans se rencontrer. Après, on a navigué pratiquement dans la même région. J'avais été assez adroit de décider mon beau-père à venir à trafiquer dans la même région que moi. Et puis, ma foi, on se voyait davantage. Il y a beaucoup de choses qui se passaient comme ça. Hein. Comme dans le Nord, il y avait souvent des petits bals, vous savez, dans les estaminets qu'ils appelaient dans ce moment-là. C'était dans des pianos, vous savez, que ça jouait. Eh bien, ils mettaient... Ça devait être un franc qu'ils mettaient là-dedans, puis ça s'amusait toute... Presque toute la nuit, quoi. Ça dansait, ça chantait, ça faisait tout. Puis ça s'amusait bien, il n'y avait jamais de bataille, jamais rien. Hein. Enfin, ça dépendait encore les ceux qu'il y avait. Mais enfin, c'était rarement quand il y avait une bataille. Ça s'amusait tout correctement, très gentiment. Alors, je connaissais un café à côté de Douai, terminé. Et on dansait, tout ça. Alors, à côté, plus loin, il y avait le canal. Et les mariniers venaient fréquenter ce café parce qu'on dansait. Enfin, ils passaient un peu leur temps comme ça, le soir. Et puis, j'ai fait connaissance d'un marinier. J'étais très jeune, mais enfin, ça s'est passé en camaraderie. Et je l'ai revu après. Alors, finalement, je me suis retrouvée marinière. Comme deux bateaux bercés par le vent de la jeunesse, vous vous êtes amarrés l'un à l'autre. Il y a maintenant 50 ans. Il vous est arrivé, comme tout à chacun, d'avoir du mou dans les cordes, de tanguer durant votre traversée. Mais les rivets de votre amour n'ont pas sauté. Vous avez ainsi fait voyage ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et nous vous souhaitons que vous arriviez à destination à bon port le plus tard possible. Ce voyage, vous le faites tantôt bord à bord, surtout dans les passes difficiles, tantôt à la remorque. Et dans ce cas-là, c'est souvent toi, maman, qui tire papa. Ce qui compte, c'est que vous ayez tenu le cap, les yeux fixés sur le phare ou cramponnés au beau macaron du Falaine. Le phare, c'était le bateau des grands-parents, et le Falaine, c'était le nôtre. Toute l'assemblée ici réunie vous adresse ses félicitations pour votre anniversaire de mariage et vous rappelle qu'après l'or, c'est les diamants. Alors rendez-vous dans 10 ans. Alors on a encore 9 ans. Nuit magnétique. Les mariniers. Avec Julienne Grimaud, bateau Saint-Louis, Martial Chantre, bateau Destrier, la famille Laure, bateau Villa des Laure, famille Leclerc, bateau Pils, Madame Maillet, bateau Falaine, Jean-Paul Dupuis, écluse d'Épinot. Texte lu par Richard Boringer. Si vous voulez en savoir davantage sur les mariniers, vous pouvez lire les souvenirs de Marcel Chante dans La Péniche, le 19 janvier 1988. À lire également La vie des mariniers de Josette Collin, édition Plomb. À venir, le deuxième volet de cette série, La batellerie artisanale aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.